السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc dans le درس d'hier on a parlé de la foi, الإيمان et de ses branches. وكذلك تكلمنا عن الإحسان. الإحسان que l'on traduit par excellence, qui est de deux piliers. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ant aboudallah kanaka tarahu, fa nam takun tarahu fa innahu yarak. » D'adorer Allah comme si tu voyais. Ça, c'est le niveau le plus haut. Et si jamais tu ne vois pas, sache que lui te voit. Thumma nuwasil an, yakul fi sual al-wahid wa sitin ba'da al-miya. 161e question. Ma huwa dhidd al-iman? Quel est l'opposé de la foi? Quel est l'opposé de la foi? Yaqul dhidd al-imani al-kufr. Wa huwa aslu al-shu'ab. Kama anna al-iman aslu wa la shu'ab. Donc l'opposé de la foi, c'est le kufr. Tayeb, al-kufr. Et il est la base et il a des branches, tout comme la foi dans l'opposé, c'est la base et elle a des branches. وقد عرفت بما تقدم ان اصل الايمان هو تصديق الاذعان المستلزم للانقياد وبالطاعه فالكفر اصله الجحود. Et tu as su auparavant que la base de la foi, c'est le fait de croire. De croire avec l'approbation. D'accord, le fait de croire avec l'approbation. Ce qui implique d'agir. Ce qui implique les agissements des actes, d'ailleurs. Car le fait de croire seul ne suffit pas. Abu Talib, l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croyait son neveu. Mais il n'a pas approuvé, il ne s'est pas résigné. Mais il savait que son neveu était véridique dans ce qu'il disait. فَالْكُفْرُ أَصْلُهُ الْجُحُودُ وَالْعِنَادُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلِسْتِكْبَارُ وَالْعِسْيَانُ. Alors que le kufr, sa base, c'est quoi? C'est le reniement. Et l'obstination à vouloir refuser. Cela qui implique l'orgueil et la désobéissance. فَالطَّاعَةُ كُلُّهَا مِنْ شُعَبَ الْإِيمَانِ وَكُلْ سُمِيَا فِي النُّصُوصِ كَثِيرٌ مِنْهَا إِيمَانًا كَمَا تَقَدَّمَ. Et les actes d'obéissance sont tous des branches de la foi. Et dans beaucoup de textes, ils ont été nommés de la sorte que des actes ont été nommés iman. D'accord, beaucoup d'actes ont été nommés iman. Ils ne sont pas toute la foi, mais ils en font partie. Ils en sont des branches. والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سياتي. Et à l'opposé de cela, les péchés sont tous des branches de la mécréance. C'est pour ça que des fois, ils ont été nommés kufr. Comme cela va venir, inshallah. Des désobéissances ont été nommés kufr directement. Sans pour autant vouloir par là le kufr qui annule l'islam. Car ils sont des branches, en fait, du kufr. Comme cela va venir. Qui le dirige aujourd'hui. فَإِنْ عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ أَنَ الْكُفْرَ كُفْرًا. Donc, si tu as su cela, tu as compris cela, alors tu auras déduit que le kufr est de deux sortes. Quand on emploie le mot kufr, il vient de deux sortes. Kufr akbar, يُخْرِجُ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ وَوَا الْكُفْرُ الْإِعْتِقَادِ الْمُنَافِي لِقَوْلِ الْقَلْبِ وَعَمَلِهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا. Donc, le premier, c'est le kufr akbar. Qu'on nommera le kufr, mécréance majeure. Qui lui fait sortir, qui exclut de la foi totalement. Celui qui le commet, sort de l'imène totalement. Et on l'appelle également kufr al-irtiqadi. Celui qui s'oppose à la croyance et aux actes du cœur. Soit ensemble, soit séparément. Wathani, deuxième, wa kufr asrar. Qui est mécréance mineure. ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر والعملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. Et celui-là, c'est celui qui ne s'oppose pas et celui-là qui s'oppose à la perfection de la foi, mais qui ne s'oppose pas à sa base. C'est-à-dire que celui qui commettra ce genre d'acte, sa foi sera réduite, mais n'aura pas pour autant supprimé la base de la foi, contrairement à l'autre. Et on appelle kufr al-kufr al-amali. On l'appelle le kufr al-amali. D'accord ? Et ce kufr ne vient pas, comme on dit, pour abroger justement la croyance du cœur et les actes du cœur. Mais ils viennent surtout pour les actes des membres. Donc là, on va parler justement de cela. Kufr akbar ou kufr asrar. Et que ce n'est pas tout ce qui a été nommé kufr en islam qui implique une excommunion de la religion. Car des gens sont égarés avec ces textes-là et sont mis en mécréant toute personne qui aura commis cela en ne comprenant pas les textes en joignant entre eux. يقول في السؤال الثاني وستين بعد المئة 162e question بيّن لي كيفية منافة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في إزالتي إياه. Donc maintenant il dit, démontre-moi comment est-ce que justement le kufr i'tiqadi vient pour annuler la foi dans sa totalité. يقول قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بالكلمات الإسلام وعمل القلب والنية والإخلاص وعمل الجوارح والانقياد بجميع الطاعات. Donc on a su justement que la foi c'est parole et acte. Et quand on dit parole et acte, c'est parole du cœur et parole de la langue. Et parole du cœur, ça revient à la croyance. Donc des fois, quand vous entendez les gens qui disent que la foi c'est deux et la foi c'est trois, c'est la même chose. C'est comme des fois des gens disent que le tawhid c'est deux et des fois c'est trois. Ça revient à la même chose. Juste que des fois, ils en ont rentré deux en un. D'accord ? Donc il n'y a pas de contradiction. C'est juste des istilahats, des terminologies. Mais elles reviennent toutes au même point. Donc cette foi, d'accord, c'est paroles du cœur et de la langue et sont des actes, des membres. فقول القلب هو التصديق. Donc maintenant la parole du cœur c'est quoi? C'est le fait de croire. وقول اللسان هو التكلم بكلمات الإسلام. Et la parole de la langue c'est de parler avec les paroles de l'islam. وعمل القلب هو النية والإخلاص. Et les actes du cœur eux c'est l'intention et la sincérité. وعمل الجوارح والانقياد بجميع الطاعات. Et les actes des membres c'est l'assujettissement sous toutes les obéissances, toutes les formes d'actes d'obéissance. C'est-à-dire, tu appliques. Ce qui t'est ordonné, tu le fais. Et ce qui t'est interdit, tu le délaisses. Ça mène à cela. في إزالة جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. Donc maintenant, si ces quatre qu'on vient de citer là disparaissent, qui sont Qawl al-Qalb, la parole du cœur, ainsi que ses actes, les paroles de la langue, ainsi que les actes des membres, alors la foi disparaîtra totalement. Et il dit par contre, si jamais Tazdik al-Qalb, Lam Tanfar al-Baqiyya, et que si jamais tu perds juste le fait de croire, mais tu fais tout le reste. Tu obéis, tu agis, tu prononces des paroles, ainsi de suite, mais tu ne veux pas croire. Eh ben, avec celui-là tout seul, tout le reste sera nul, ne servira à rien. Car la base, tu ne l'auras pas. Même tu fais 10 000 salawat, tu fais 10 000 hajj. Bon, quand on dit 10 000, bien sûr, c'est une façon de parler, tu ne pourras pas faire 10 000 hajj, évidemment. Mais c'est des exemples à l'extrême pour te dire que quoi que tu fasses, comme multitude d'actes, si jamais tu n'as pas au fond de toi le tasdiq, qui est le fait de croire, ça ne servira à rien. Tes actes seront vains. T'as des gens parmi les koufars, ils font des actes d'adoration. Les koufars de Quraysh faisaient des actes d'adoration. Ils faisaient des salawat, ils faisaient du siyam, ils faisaient des sadaqa, ils faisaient plein de choses. Mais ils n'avaient pas le tasdiq al-kalb, ils ne croyaient pas. Donc cela a été vain. Chez les nansarats, tu vas en trouver. Chez les juifs, tu vas en trouver. Fa'in tasdiq al-kalb shart fi i'tiqadiha kun nafi'a. Donc c'est une condition. Le fait de croire dans le cœur est une condition وذلك كمن كذب بأسماء الله كذب بأسماء الله وصفاته فبأي شيء مما أرسل وبأي شيء مما أرسل الله به رسله وانزل كتبه به كتبه. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui va démentir le nom d'Allah et ses attributs. Ou une chose qu'Allah Azza wa Jalla aura envoyée via ses messagers ou qu'il aura mis dans son livre. Il va démentir. Malgré cela, il va agir. Est-ce que son acte servira à quelque chose ? Il ne servira à rien du tout. فَإِنْزَالَ عَمَلْ قَلْبْ مَعَتِقَدْ السِّتْقِ فَإِنْ أَهْلِ سُنَّ مُجْمَعُونَ عَلَى زَوَالَ لِمَنْ كُلِّهِ وَبِزَوَالِهِ وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَصْدِيقُ مَعَ انْتِفَاءِ عَمَلِ الْقَلْبِ وَهُوَ مَحَبَّتُهُ وَانْقِيَادُهُ. Et si jamais les actes du cœur cessent également, tout en étant, en ayant le tasdiq, le fait de croire, mais tu n'as pas d'acte du cœur, tu n'as pas la khouf, tu n'as pas le tawakkul, tu n'as pas le raja, tu n'as pas le khushur, tu n'as pas le tarzim, tu n'as pas les actes du cœur. D'accord? Mais tu crois, mais tu n'as pas les actes du cœur. Eh bien, ils disent que les gens de la sunna sont unanimes pour dire que cela causera la suppression de ta foi totalement. Tout comme le contraire ne te servira à rien également. Et cela, ça revient à quoi ? C'est qui l'exemple ? En cela, comme ce fut le cas de Iblis et de Pharaon, et de son peuple, c'est que des Yahoud et des Mouchirkoun, الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به كما في الكاب على ذنب إبليس إبليس إبليس كروي بان الله عز وجل يكروي الله عز وجل إبليس il a vu des choses qu'on n'a pas vu nous il a vu Adam il a vu les malaïka mais qu'est-ce qui s'est passé il ne s'est pas soumis Pharaon كذلك comme cela va venir. Finalement, au fond, lui croyait. Il croyait Moussa. Mais il a refusé de suivre et d'agir. Et parmi les Yahoud, et Nassara, les gens du livre, t'en as plein, ils savaient que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment le messager d'Allah. Dans leur livre, il était annoncé. Ya'alifunahu kam ya'alifuna bena'ahum. Ils le connaissaient comme ils connaissaient leurs propres enfants. Mais quand il est venu, ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mécru à ce moment-là. Mais au fond d'eux, ils savaient très bien qui était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, c'est très bien, c'était quoi le Coran? Mais ils ont refusé. D'accord? Ils ont le tasdiq, mais ils n'ont pas eu, les actes du cœur et les actes des membres derrière. Mais au fond d'eux, ils y croyaient. Et t'en as parmi eux, ils ne veulent pas y croire. Taïb. Yaqul fi suwal al-thalith wa sittin ba'd al-mi'ah. 63e question. Kem aqsam al-kufr al-akbar al-mukhrij min al-millah. Donc il dit maintenant de combien de catégories est ce kufr akbar, kufr majeur, qui sort de l'islam. Car ce kufr akbar, il a des aqsam, de différentes sortes. Donc maintenant, c'est quoi ces aqsam ? C'est ça la question. ولما مما قدمناه أنه أربعة أقسام كفر الجهل والتكذيب وكفر الجحود وكفر العناد والاستكبار وكفر النفاق. Donc il est de quatre formes. De quatre formes. Il y a en premier le kufr jahl wa takzib. C'est le kufr de l'ignorance et du démenti. Les gens ne savent pas. Donc comment peuvent croire une chose que tu ne connais pas? Et quand ils l'entendent, ils le démentent. Ils disent c'est pas vrai. Il y a kufr juhud. C'est le couvre du rejet. Ça, c'est autre chose. Les gens qui ne veulent pas. D'accord ? Ils rejettent. Il y a couvre l'inède au stikbar. Il y a le couvre de l'obstination et de l'orgueil. Comme ce fut le cas, par exemple, de Iblis. Ou même de Pharaon. Ou un couvre de nifaq. C'est le couvre de l'hypocrisie. Celui qui fait croire, qui croit, au fond, lui, ne croit pas. Et ce nifaq également, comme cela va venir, est de deux sortes. Maintenant, il va donner l'adilla, les exemples de ces quatre formes de kufr. Il dit, ma سؤال أرابي وسجن بعد المياه. 164e question. ما كفر الجاهل والتكذيب. Donc maintenant c'est quoi le كفر de l'ignorance et du démenti. هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبون بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. Donc c'est le كفر qui est lui apparent et intérieur. Il est clair. Ce kufr, il est dans le cœur des gens, et il est également à travers leurs actes, il est apparent. Car la plupart des kufars de Quraysh, c'était leur cas à eux. Également des communautés antérieures. Ceux, au sujet de qui Allah dans le Coran, il a dit dans le sens, ceux qui ont démenti le livre et ce que nous avons envoyé, ceux par quoi nous avons envoyé nos messagers. Et ils finiront par savoir. Ghafir pardonneur, verset 70. وَقَالَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ et détourne-toi des ignorants. Al-A'raf, verset 199. Et ce verset-là, il est général. Ça peut être Juhel, qui est voulu parler à les koufars. Ça peut être Juhel, les gens, même de l'islam, qui sont dans les désobéissances, transgressions par leur ignorance, et qui ne cherchent pas à progresser. Donc ces gens-là, détourne-toi d'eux. Car c'est un verset qui était cité à Omar ibn Khattab, lorsqu'un homme est rentré auprès de lui pour le critiquer pour sa façon de gouverner. Omar ibn Khattab, il a voulu attraper cet homme et le châtier, ce qu'il a dit. Et là, un sahabi qui était là, qui lui a dit, Ya amir al-mu'minin, qala Allah ta'ala, khuz al-afu wa al-mur bil-urf wa a'lin al-jahilin. Wa inna hadha min al-jahilin. Tu vois, il lui a dit, détourne-toi des ignorants. Et cet homme-là, c'est un ignorant. C'était pas un kafir. Mais il parlait sans savoir. En critiquant Omar. Et de là, Omar l'a laissé. Ce verset, quand il était rappelé, il a agi aussitôt, il l'a laissé. Sans quoi, le verset, il est général. El Jahilin, c'est aussi les koufars. Détourne-toi d'eux. Ne te soucie pas d'eux. Yaqul, وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Et le jour nous allons justement rassembler de chaque communauté un groupe parmi les gens qui démentaient nos livres et qui seront dispersés, ces gens-là, jusqu'à ce que ne leur vienne et il leur sera dit, vous avez démenti mes versets alors que vous n'en aviez aucune connaissance. Ils ont démenti, plein de gens, tu vas les voir, tu vas parler du Coran, ils disent c'est pas vrai, j'y crois pas. Et ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Mais tout de suite, ils dément parce qu'ils ignorent. Lui, on ne dit pas qu'il est excusé par son ignorance, non, c'est un kafir. D'accord ? C'est un kafir. Car à la base, tu jamais tu lui en parles, ça devrait l'interpeller. Ça devrait l'intéresser. T'as des gens, des fois, tu leur parles de choses qui sont complètement fausses, tu leur parles, ça les intéresse. Tu leur parles de bouddhisme, ah, dis, ça m'intéresse, vas-y, parle-moi-en, ça, j'écoute, même s'ils n'y croient pas. Dans l'autre, tu leur parles de philosophie, ils disent vas-y, je t'écoute. Ainsi de suite. Tu leur parles de croyances qui sont complètement vaines, les croyances des Celtes, les croyances des Vikings, les croyances des Romains à l'époque. Et tu veux te parler de ça, mais moi, ça m'intéresse pas et tout. Vas-y, j'y crois pas, de toute façon. Laisse-moi tranquille. Khalas. Lui, t'as même pas à te prendre la tête avec lui. Il sait pas, et il dément. D'accord ? Il sait pas, et il dément. Donc ça c'est le premier. كفر الجهل والتكذيب. وقال في السؤال 65 بعد المئة. 165e question. ما هو كفر الجهود. Donc maintenant c'est quoi le كفر du refus, du rejet. وما كان بكتمان الحق وعدم انقياد لا ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ككفر فرعون وقومه بموسى. وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كفر فرعون طيب. Donc il s'agit de celui qui cache en lui la vérité, d'accord, et qui ne s'y soumet pas dans l'apparent, alors qu'au fond de lui il sait que c'est la vérité. Au fond de lui il sait que c'est vrai, mais il le rejette, d'accord, il le rejette, il le refuse. À l'exemple de qui ça? De Pharaon. D'accord ? Pharaon, et de son peuple. Lorsque Moussa leur est venu, ils ont vu les miracles. Ils ont vu comment Moussa alayhi salam a défié les sorciers. Ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu les signes. Ils ont vu les signes. Ils ont vu la main de Moussa qui est sortie en étant luisante. Ils ont vu les signes qu'ils ont atteints. Ils ont vu la mer s'ouvrir devant leurs yeux. Pharaon a vu la mer et malgré cela, elle a continué à poursuivre Moussa jusqu'à la mort. Azahou. Et également le couf de Yahoud, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient qui était Mohammed. Ils étaient avertis de sa venue. Ils avaient ses caractéristiques, ses attributs. Quand il est venu, ils l'ont refusé. Qala ta'ala fi kufr Pharaon wa qawmihi wa jahadu biha wa staykanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Il a dit dans le sens Allah qu'ils ont refusé alors qu'au fond d'eux, ils savaient. Et tout ça en toute impunité et injustice. D'accord ? Ils ont rejeté en bloc. An-naml, les abeilles, ou plutôt les fourmis, afwan. Verset 14. « Wa qala ta'ala fil yahoud, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. » Lorsque leur est venu ce qu'ils savaient, ils y ont mécru. Surat al-Baqarah, la page verset 89. Qala ta'ala, wa inna firaqan minhum la yaktumun al-haqq wa hum ya'lamun. Et qu'un groupe d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. En parlant des gens du livre également. Et principalement les Yahoud. À la base, ce qu'ont le ilm, c'est les Yahoud. Et les Nasara, eux, ils ont les actes. Sans ilm. Mais parmi les Nasara, également, il y en a, ils savent. Attention. Parmi les têtes des Nasara, ils ont des kutub, ils ont des manuscrits qui restent dans leur bibliothèque, dans lesquels ils savent qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont des versions de leur Injil dans lesquelles il y a des faits qui indiquent de la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne croyez pas qu'ils savent pas. Ils savent également. Mais les Yahoud ont encore plus de ilm avec eux. Les Yahoud ont encore plus de ilm avec eux. Donc ça c'était le deuxième forme de kouf. Juhud, le rejet. Qala fi suwal al-sadis wa sittin. 166e question. Ma wa kufr al-inad wa al-istikbar. Donc maintenant, c'est quoi le kufr de l'obstination et de l'orgueil? Ça, vous savez, c'est qui était comme ça? Là, c'est le kufr de Iblis. C'est le kufr de Iblis. Qala wa ma kana bi'adam al-inqiyad lil-haqq ma' al-iqrar bih. Ka kufr Iblis. Iz yakulu Allah ta'ala fihi illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Donc, c'est le fait de ne pas se soumettre à la vérité tout en la reconnaissant et en l'admettant. D'accord ? Contrairement à Pharaon et au Yahoud, Iblis, il va dire oui, c'est vrai. Il va dire oui, c'est vrai. Il a dit Ya Rabbi bima arwaitani. Il a dit oh mon Seigneur. Il reconnaît, il admet, mais il ne veut pas se soumettre, il ne veut pas obéir. Il rejette par orgueil, par obstination. Donc ça leur le coûtera quoi? D'avoir mécru. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre quoi, les frères et les sœurs? Que t'as des gens, ils vont dire, j'y crois. Mais le fait d'y croire seulement ne suffit pas, il y a des choses derrière qu'il faut faire. C'est pas toute personne qui croit qui est un croyant. La foi, elle a des conditions. Elle demande des choses derrière. Et celui qui est sincère, véridique, cela implique des choses derrière. Sans quoi tu vois plein de gens, ils croient en l'islam. Parmi les koufars. Irak, celui qui était César, le Nabi sallallahu alayhi lui envoyait une lettre, il a cru, mais il n'a pas voulu. Abu Talib, il l'a cru, mais il n'a pas voulu. D'accord? Et comme les Quraysh, pourquoi ils ne voulaient pas dire « La ilaha illallah » car ils savaient le sens que ça impliquait derrière, qu'il faudrait agir derrière. Donc ils n'ont pas voulu. Donc là, Iblis, Al-La'in, c'est ça qui s'est passé. « Walam yumkinuhu juhud » walam يمكنه جحود أمر الله بالسجود إلا إلا إنكاره إنما وإنما اعترض عليه وتعالى في حكمة الآمر به وعدله قال تعالى أسجدوا لمن خلقت خلقت طينا. Donc qu'est-ce qui empêchait fil Iblis d'obéir qu'il a rejeté l'ordre d'Allah Azzawajal, c'est qu'il a fait, il a contesté la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa justice. Il a contesté cela, par orgueil. Il a dit, vais-je me prosterner pour celui que tu as créé de terre, alors que moi je suis de feu, je suis meilleur que lui. Comment? C'est comme s'il se disait que moi j'ai mieux compris que toi. Wali azubillah. Ça revient à ça, de l'orgueil. Il rejette la vérité. Et il se voit plus haut qu'il ne l'est. Surat al-Isra, voyage nocturne, verset 61. وَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِيَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلَةٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ que je n'ai pas à me prosterner pour un humain que tu as créé d'argile malléable. Al-Hijr, verset 33. T'imagines, Allah Azzawajal lui a dit, prosterne-toi, il a dit, non, j'ai pas à le faire. Pourtant, il a reconnu Adam. Et il sait ce qu'il y a Allah Azzawajal. Et il savait ce qu'il attendait. Malgré cela, il n'a pas voulu. Takabburan par orgueil et par ined, obstination. Wali azubillah. Ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé moi de feu et lui de terre. Al-A'raf, verset 12. Il a cru que le fait qu'il était créé de feu le rendait meilleur que Adam. Donc il n'a pas à obéir. Et ce genre d'orgueil, on va le trouver chez pas mal d'entre nous. Que des gens, ils ont ça en eux. Mais c'est parmi dans les péchés, parmi les branches du coufre. Ils n'ont pas la chose de base qui interdit, qui annule l'islam, mais ils ont une branche de la chose. Comme par exemple les racistes. Un exemple, un raciste. Demain, tu vas donner sur l'ordre une personne d'une ethnie qu'il n'aime pas, et ben il va refuser d'obéir. Parce que l'autre, il n'est pas de son ethnie. C'est un noir, il veut pas obéir à un arabe. C'est un arabe, il veut pas obéir à un noir. Ou c'est un converti, il veut pas l'écouter parce qu'il se croit meilleur que lui. Par exemple. Masalan. Ou le riche avec le pauvre. Le pauvre avec le riche. Ou des gens qui vont refuser une vérité car alors parmi une personne qu'ils ne veulent pas admettre. Par exemple, un converti va venir, ou un nouveau converti, il aura un hadith qu'il aura appris. Il vient conseiller à l'ancien. L'ancien le rejette. Il dit, non, mais toi, tu connais pas, toi. Alors que le hadith le connaît. Al-Bukhari est musulman. Mais il a pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un jeune converti qui lui a dit, et pour lui, c'est honteux. Comment lui va m'apprendre ma religion? Ça fait 40 ans, je vais en mosquée tous les jours, je fais ça, ça, ça, et lui, il se convertit il y a une semaine, il va m'apprendre quelque chose. Il refuse. Et ben, ça, c'est une branche de ce genre d'acte. Et ça, c'est fréquent chez beaucoup de gens, ça. Malheureusement. Fumakal, Fissoual et Sabir, Vassitin Bardelmia. 167e question. Mahoua Koufr El Nifak. Donc maintenant, c'est quoi la mécréance de l'hypocrisie? Wamakana bi Adam Tazdik El Kalb. Wa'amali Afan. مع الانقياد ظاهرا رياء الناس ككفر ابن السلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله إن الله على كل شيء قدير. Donc c'est une personne qui refuse de croire dans son cœur, mais il agit quand même en apparent. Il montre aux gens qu'il fait, il fait croire aux gens qu'il croit, et il agit, mais au fond, lui, il croit pas. Comme ce fut le cas de Ibn Sulul. Taïeb, le premier parmi les munafiqin. Au sujet de qui Allah Azzawajal, dans le sens, il dit, et parmi les gens, il y en a certains qui disent, nous croyons à Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils veulent tromper Allah et les croyants, alors qu'ils ne se trompent qu'eux-mêmes, alors qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et que Allah leur ajoutera encore de la maladie à leur cœur. Ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils auront menti. C'est ce qu'ils disent, et que Allah est omnipotent. Surat al-Baqarah, verset 8 à 20. Et Allah, Azza wa Jalla, dans Surat al-Baqarah au début, il parle justement des trois personnes. Il parle en premier des croyants. Ensuite, il parle des kuffars purs, et après par des munafiqin. Et son kalam sur les munafiqin est plus long. Parce que eux, ce sont les pires. Les munafiqoun, ce sont les pires. Car il fait croire qu'il est avec toi, et en réalité, il te plante dans ton dos. Et il permet à tes ennemis de lancer l'assaut contre toi en rentrant dans ta citadelle. Tu ne sais pas à qui t'as affaire, en fait. Vaut mieux avoir devant toi avoir un kafir pur, un pur athée qui te dit clairement qui il est. Khalas, tu sais qui t'as affaire. Qu'un munafiq qui va, il appelle au nom de l'islam. Et dès que c'est avec les koufars, il va aller leur trouver le moyen de pouvoir te faire du mal. Il y en a plein des comme ça. Aujourd'hui, qui parlent au nom de l'islam, et en réalité, ils font en sorte que les koufars croient encore moins l'islam et détestent encore plus l'islam. Et le discréditent. Il y en a plein aujourd'hui. Et beaucoup de pays le koufre. T'en as plein des femmes comme ça aussi qui viennent aujourd'hui, qui font da'wah, soi-disant, à mettre un hijab, hein. Mais de sortir des choses, elles vont révolter les femmes contre leur mari, elles vont révolter les filles contre leur père, d'accord? Et elles vont te faire croire qu'elles t'appellent à la religion, avec leur niqab et quoi, et au fond, elles t'appellent à quoi? À te détruire. Elles veulent te faire du mal. Sous discours de vouloir ton bien. On m'a parlé de prédicatrices, non, là, qui font da'wah, là, sur le net, sur les réseaux. Et en réalité, elles ne font que appeler à la rébellion des femmes contre l'autorité sur elles. Et tu vas la voir venir avec un niqab et un hijab. Pourquoi? Parce que c'est que elle va venir avec les cheveux dans le vent. Elle va pas être crédible. Personne va l'écouter. C'est comme toi aujourd'hui. T'en as aujourd'hui, ils viennent te voir. Parmi les nouveaux prédicateurs. La nouvelle Ikhwaniya. Parmi eux, t'as les Nader Abouanes. T'as les Mehdi Islam Mag. Ou t'as les Fulen Fulen. Ils vont venir habillés en sunnah. Ce sont des Ikhwan. Ils vont venir habillés en sunnah. Pourquoi? Car ils savent que si jamais ils vont venir en costard cravate rasé, khalas, les jeunes vont plus accepter de... C'est fini cette époque. Un der, il vient pour toucher les jeunes et il vient habiller comme les ennemis de l'islam. Ça va pas passer. Donc ils ont compris que maintenant, faut que tu sois, t'aies une apparence qui montre que tu es, dans ton islam, tu appliques. Donc sa barbe, il va l'avoir, sa barbe. Son kamis, il va le porter, son kamis. Au-dessus des chevilles, il va te le porter. Tu vois? Mais, il va t'appeler à quoi? En réalité, à t'opposer la sunna. Car s'il venait directement habillé en pantalon serré, rasé, lunettes Gucci ou je ne sais quoi, et voilà, il sait que tu vas pas l'écouter. Il va dire, ouais, mais lui, il me parle d'islam, mais regarde, il ressemble à quoi? Il ressemble à rien. Donc ces gens-là, ils vont prendre l'apparence de la salafia. Et ça, c'était la forme des Ikhwaniyah qu'il y avait en Arabie Saoudite. Elle est en France maintenant. Car le Ikhwani, c'est un caméléon. T'as les Ikhwan qui veulent le pouvoir, qui sont dans la politique, ils vont s'habiller, costa cravate, tout rasé, pourquoi? Pour avoir le pouvoir. T'en as d'autres qui veulent prendre le contrôle de la da'wa. Et ils savent que les gens les plus crédibles en da'wa, c'est les salafis. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'habiller comme eux. Il va leur ressembler, sortir leur savant, El Fawzen, il va sortir Cheikh El Abed, tout ça, mais au fond, ils les aiment pas. Son but, c'est quoi? C'est de se faire accepter. Et une fois qu'il est accepté, là, il te la place. Là, il te la place. Vous voyez? T'en as, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai vu un kalem de Mehdi qui parle que, comme Cheikh El Fawzen, il parle de cette koutoub, ben aussi, on va le citer. À la base, il aime cette koutoub avant que Cheikh El Fawzen ne parle. C'est juste un talbis. D'accord? Ils vont prendre les erreurs de certains savants de la sunna pour justifier leurs égarements à eux. Même si Fawzen, il a des mises en garde contre Saïd Qutb. Pourquoi tu n'en fais pas toi aussi? Non. Parce qu'à la base, c'était un coup de bille. Tu aimes cet homme-là. Mais pour déguiser ton manhaj, pour tromper les gens, tu dis, le Fawzen aussi, il a dit ça. Après demain, ils vont dire, le Mufti aussi, il a dit ça. Après, ils vont dire, Sharat aussi, il a dit ça. Mais à la base, il n'est pas avec ces machères-là, jamais de la vie. Sinon, c'est des Khawarij, des Ikhwani Khawarij. Et ils voient que ces ulamas, ce sont des serviteurs des gouverneurs. Donc, faut pas les croire, ces gens-là. Donc, eux, ils ont, dans la darwa, ils ont un ifaq, une hypocrisie. Ils te font croire, ils te montrent une apparence qui n'est pas la leur au fond, en réalité. Vous ne savez pas de pied par ces gens-là. Notre cher Abdelhamid est interrogé il n'y a pas longtemps. Est-ce que des gens qui enseignent les koutoub de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, on peut dire que c'est un salafi direct, comme Sous Salafa, Kitab Tawhid. Il a dit, c'est pas forcément, non. T'as plein de gens de l'égarement, ils vont le citer Ibn Taymiyyah, ils vont le citer l'imam Ahmed, ils vont le citer le Bukhari. C'est des gens d'égarement. Ça veut pas dire, c'est pas une garantie, ça. T'as les gens, ils se font leurrer comme ça. Ils entendent quelqu'un qui parle, ils disent Cheikh Othaymin, Cheikh Albani, khalas, sans salafi. Non, pas forcément, Harry. Pas forcément. Mais il sait qu'il va citer ces gens-là pour t'attirer vers lui. Et il sait que s'il parle sur en mal, direct, tu vas le sauver de lui. Il le sait très bien. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ruser avec toi. Comme les munafiqoun, ils aient déjà qu'un munafiqoun, qu'on n'achète n'a qu'à Rasulullah. Wallahu ya'lamuna ka rasuluhu wallahu yashhaduna al munafiqina la kadhibun. Que si les munafiqs ils viennent te voir et te disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les munafiqs sont des menteurs. Donc attention au discours de ces gens-là. Mais quand ça va apparaître ces gens-là, tu vas les voir à travers la fréquentation. Et comment ils parlent sur les salafis qui les dévoilent. Tu verras la haine qu'ils ont envers eux et tu vas aller défendre les gens du faux. Trouver des excuses à tout le monde sauf à Salafi. Trouver des excuses à tout le monde sauf aux Salafi. Les Abdelhay, les Sofiane Abou Ayoub, ces gens-là, c'est la même clique. Tu vois. C'est le même ménage. Gentil avec tout le monde, en général, sauf avec les Salafi. L'ennemi, c'est le Salafi. Les gens de la Bid'a, ils sont unanimes pourquoi combattre les Salafi. Et des fois, ils vont sentir des savants Salafi. On va croire qu'ils les aiment, les respectent. Non, c'est pas vrai. Lui, c'est un talbis. Donc attention, on risque des gens de la Bid'a dans la Da'wa. Soyez très prudents. Vous ne faites pas te leurrer par le premier barbu qui vient en camis et qui dit « Chéri l'Islam, il a dit ». Attention à ça. Mais ça va apparaître plus tard. Et Allah Azzawajal, dans sa hikmah, il met des fitnes. Il y a des fitnas qui sont dans la religion pour savoir qui est le menteur, qui est le véridique. Quand la fitna elle vient, tu vois qui est-ce qui suit le dalil et qui est-ce qui s'égare. La fitna elle est là pour ça. C'est comme la fitna à la base, c'est pour épurer. Je sais pas, on veut dire purifier ou épurer une chose. On se servait pour mettre le métal dans le feu pour que l'or en ressorte et sorte tout le métal qui est vain. Et ben, c'est pas une fitna. Elle est là pourquoi? Te montrer qui est le vrai, véridique et qui est le faux, qui va finir par disparaître et être, quand on dit disparaître, c'est-à-dire apparaître aux yeux des gens que lui, en réalité, c'était pas un vrai. C'était un menteur, un trompeur. Mais ça paraît que quand il y a une fitna, quand tout va bien, tout va bien. Tout le monde s'aime, tout le monde est salafi, chien tel. Il y a une fitna, tu vois qui est qui? Qui vraiment applique ce qu'il disait apparemment et qui est-ce qui commence à changer et à commencer à devenir fanatique et à commencer à tromper et à changer des textes et à s'en prendre aux gens de la vérité. Non. Hadha alladhi akhadhna al-yawm min hadha ad-dars. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إلا أنت استغفرك وأتوب إليك